L'illustré. Vous écoutez la radio-télévision suisse La Première. Passez une belle après-midi. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. This is an historic agreement. Cette semaine, l'affaire des fonds en déshérence. Deuxième partie. Vous avez eu l'immense bonheur d'échapper à la guerre. Votre situation géographique y est pour quelque chose. Votre courage pour plus encore. Crise, règlement et eau de boudin. Là, c'est une bataille idéologique. Une histoire qui ne passe pas. Nous savons que l'histoire n'est pas une science. Hein. Personne n'est assez insensé pour comparer les pertes suisses à celles des autres pays d'Europe. Ces gens ont vécu l'enfer des camps et en plus, ils terminaient leur vie dans une misère noire. Je regrette avoir blessé vos sentiments personnels et ceux d'autres personnes. Refuser notre histoire telle qu'elle est, c'est abdiquer notre responsabilité. À part quelques problèmes de communication, je ne vois pas de faute du Conseil fédéral. Vous devez profiter de cette fenêtre ouverte sur un monde qui crie à l'aide. Chapitre 7. Un accord majeur. Avec aujourd'hui Pierre Azan, journaliste, Pierre Weil, journaliste, Daniel Mona, journaliste, et Sébastien Gay, professeur d'histoire économique à l'Université de Lausanne. Je suis très heureux et honoré de pouvoir annoncer que nous sommes arrivés à un accord historique avec les banques suisses. Un accord qui apporte justice morale et financière à ceux qui ont souffert depuis si longtemps et qui met un point final à cette affaire dans le monde entier et en Suisse. Alphonse D'Amato, on l'a vu, a qualifié cet accord d'historique. Pierre Azan, on va venir maintenant à la question du droit. Je me suis interrogé sur deux points. Le premier sur le mécanisme des class actions et le deuxième sur la non-présence, je n'ose dire l'absence, d'une cour de justice. Sur cette question des class actions, un peu à l'aune de ce que les États-Unis pratiquent aujourd'hui vis-à-vis de l'Iran, à savoir imposer à d'autres pays les lois selon la lex americana, est-ce qu'on peut dire que le mécanisme des class actions, c'est une volonté américaine, pour le dire de manière un peu raccourcie, d'imposer un système à d'autres juridictions? Les années 90 sont la décennie de... quelque part, on pourrait appeler de l'hyperpuissance américaine. Ce sont les années Clinton. C'est l'Amérique qui ne doute pas d'elle. On est avant le 11 septembre, on est avant 2001. L'économie va bien. Et vous vous souvenez peut-être d'un best-seller de l'époque, de Fukuyama, sauf erreur, qui s'appelait... La fin de l'histoire. La fin de l'histoire, merci. La fin de l'histoire ou le dernier homme, pour le titre complet. Donc, les États-Unis ont le sentiment d'avoir triomphé, pour reprendre la formule de Reagan, de l'empire du mal, donc de l'Union soviétique qui n'existe même plus, et il y a cette volonté quasi hégémonique qui se traduit par une volonté d'exporter sa manière de faire, d'exporter ses normes, d'exporter son savoir-faire. Elle utilise son levier, ses leviers pour exporter ses normes juridiques, et les class actions effectivement traduisent cette volonté. Alors, ce qui est aussi intéressant dans la société américaine, c'est que, d'une part, vous avez un gouvernement, mais vous avez aussi une société civile, une société qui est extraordinairement vibrante et qui est inscrite dans l'ADN des États-Unis, c'est-à-dire tout le monde associatif, tout le monde des ONG. Et c'est vrai qu'un certain nombre de juristes et d'avocats vont voir dans les class action un moyen de faire plier la politique suisse, les banquiers suisses, qui sont, eux, enfermés dans un système presque de bunker. Ils sont bunkerisés dans l'idée que, ben voilà, on ne peut pas empiéter comme ça sur le secret bancaire, qu'il y a un certain nombre de règles à respecter, que si on veut avoir accès à des comptes en déshérence, il faut montrer des certificats de décès, chose qui est totalement impossible. Et donc, effectivement, ces avocats américains vont se servir du droit comme d'un levier de puissance et vont, d'une certaine manière, réussir à mener à bien leur détermination. 20 milliards de dollars, c'est ce que des survivants de l'Holocauste réclament aux banques suisses dans une plainte collective déposée sur le bureau d'un juge de New York. Collectivement, plus de 18 000 personnes, 18 000 plaignants, ont déposé plainte contre les trois banques suisses, les accusant de retenir de l'argent déposé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ils réclament effectivement plus de 20 milliards de dollars. Pierre Weil, vous nous l'avez dit, vous avez été correspondant dans différents lieux, mais notamment au... aux États-Unis. Et là, je voudrais faire appel à votre appréciation à distance des différences culturelles, notamment dans le domaine juridique, puisque on peut le dire à gros traits, afin que tout le monde comprenne, les États-Unis vont sortir l'artillerie lourde. Et la petite Suisse, qui certes a son armée régulière, n'est pas forcément habituée à de pareils blitzkrieg. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de, un, la grosse opération ou les grosses opérations venant de cabinets comme Ed Fagan ou autres, Congrès juif mondial, qui vraiment attaque bille en tête, et puis en face, les modes de réponse politiques d'évidence relativement peu adaptés. Comment vous appréciez ça? Est-ce que c'est une myopie réelle de la part, on va dire, de la Suisse en général? Évidemment, vous affinerez ce mot-là. Donnez-nous votre appréciation, une fois encore, parce que, en tant que Suisse, vous avez été sur territoire américain, et on sait que, culturellement, là, il y a de très fortes différences. Il faut dire que les Américains sont toujours beaucoup plus directs, ils sont plus agressifs, ils disent exactement ce qu'ils veulent, en sachant qu'ils ont le pouvoir derrière eux, qu'ils sont une puissance mondiale. Et de l'autre côté, on voyait les Suisses, donc les banques suisses jusqu'à l'époque, c'était eux qui disaient dans quelle direction ça va. Les banques suisses, ils étaient à l'époque beaucoup plus importantes. Au pouvoir suisse, c'est ça que vous dites? Oui. Donc c'est eux qui étaient agenda setting, ils disaient ce qui marche. Pas partout, mais dans les problèmes qui les occupaient, évidemment. Et je dois à nouveau citer Robert Studer, à l'époque le chef de l'Union bancaire suisse. Il a une fois dit à Sigi Feigl, qui était justement l'ancien président de la communauté juive de Zurich, vous savez, on a de tellement bons contacts en Amérique, rien peut nous arriver. Donc ils ont complètement mal interprété ou jugé la situation, parce qu'ils n'étaient pas habitués qu'on les critique ou qu'on les pousse dans un coin. Donc ça, c'est une chose. Et en même temps, si on regarde la Suisse en général, pour moi, c'est clair que la Suisse, n'étant pas membre ni de l'Union européenne ni d'autres organisations, elle était seule. C'est comme s'il y a deux groupes dans une cour d'école, un garçon qui est seul, puis un des groupes tape sur ce garçon, ben l'autre groupe, pardon l'expression, mais s'en fout. Ils vont pas le défendre. Et la Suisse, personne n'a défendu la Suisse. Alors ça, c'est OK pour la banque. Maintenant, si vous avez rencontré un peu du politique, et notamment dans le département fédéral des affaires étrangères, placeriez-vous les différentes personnalités que vous avez pu côtoyer un peu sur cette même rangée de myopes? Ruth Dreyfus, donc d'origine juive elle-même, dit qu'elle a dû informer ses collègues du Conseil fédéral sur la situation pendant la guerre en Suisse concernant les Juifs. Et ça m'a énormément touché. C'est des gens politiques, c'est des gens qui étaient quand même déjà plus âgés que nous maintenant. Donc ça, c'est quelque chose qui est incroyable, vraiment, parce qu'on devrait savoir ça si on est dans le gouvernement suisse, les politiciens, même sans ça, si on est seulement un petit peu intéressé au passé. Donc là, je pense qu'il manquait quelque chose, hein, la conscience historique. Alors, Flavio Cotti ne connaissait pas l'histoire avec un grand H. Il est arrivé dans cette affaire totalement vierge et au fond ne comprenant pas vraiment ce qui se passait. Ensuite, vous aviez Ruth Dreyfus qui, étant de confession juive, évidemment, se sentait particulièrement concernée, mais donnait l'impression de se mettre beaucoup en retrait aussi. Alors, elle a fait quelques déclarations importantes, en particulier quand elle a désavoué Jean-Pascal Delamura sur ses termes de chantage et autres. Mais si vous voulez, on la sentait très prudente. Donc, elle n'intervenait pas beaucoup non plus. Thomas Borer, je pense que le Conseil fédéral ou les gens qui l'ont nommé se sont dit « Ah, circonstances exceptionnelles, personnages différents ». Et Thomas Borer avait au fond un bon contact avec nous. Il était toujours disponible pour des discussions, etc. Mais avec justement cette difficulté que vous ne parveniez pas à lui faire dire autre chose que des propos extrêmement cadrés. Et je pense que le principal défaut de Thomas Borer, c'était qu'il n'y avait pas de Conseil fédéral derrière. Donc, comme il n'avait pas vraiment d'instructions, il improvisait beaucoup. Et ça, évidemment, ça nuisait à la clarté de la position de la Suisse officielle. À Je me fiche de ce qu'est devenu cet argent. Je sais seulement qu'en 1941, il y avait une obligation contractuelle de la banque de verser cet argent à M. Schlinger. Grâce à cette affaire des victimes de l'Holocauste, je suis devenu l'avocat le plus célèbre de la planète. Venons-en un tout petit peu à la communauté juive américaine et notamment à certains de leurs représentants occupant des cabinets d'avocats particulièrement agressifs. Vous en avez sans doute rencontré quelques-uns. Est-ce que vous pourriez un peu nous dresser quelques portraits de Piranha, Daniel Mona? Il y en avait deux essentiellement. Le premier, le plus connu, c'est Ed Fagan. Ed Fagan, c'est un personnage assez incroyable, de confession juive, mais qui n'a aucun rapport avec l'Holocauste. Il n'a pas de membres de sa famille qui sont morts dans l'Holocauste, etc. Et qui a surgi comme un diable d'une boîte à un certain moment, qui évidemment connaissait assez bien, enfin même très bien, les rouages de la justice américaine, et qui a mis la main sur Christophe Maïli. Alors Ed Fagan, c'était un personnage intéressé par l'argent. Il pensait qu'on pouvait faire cracher beaucoup d'argent aux banques, il le disait ouvertement. Il parlait avant tout justement de stratégie, il était tout fier, il était extrêmement fier d'avoir mis la main sur Maïli. D'ailleurs, il l'avait vraiment sous son aile. C'était aussi un personnage haut en couleur. Ceci dit, il a joué un rôle très important. Mais aussi un autre avocat qui s'appelle Michael Hausfeld, qui lui alors était un homme sérieux. C'est vraiment lui un ténor du barreau américain, extrêmement respecté, bien connu. Et lui dont le sérieux alors est parfaitement établi. Donc ces deux cabinets ont pratiqué ce que font souvent les Américains, c'est qu'ils ont lancé un appel en disant voilà, on va attaquer les banques suisses sur les fonds des errances. Si vous avez un rapport quelconque avec des fonds dans des banques suisses et que vous estimez avoir été spolié, joignez-vous à nous, ça réduit évidemment les frais de procédure puisqu'on rassemble les cas ensemble. Et puis ça a aussi une force de frappe très grande parce que quand vous avez plusieurs centaines, des fois des milliers de personnes sur une class action, ça vous donne quand même une force de frappe assez importante. Et si vous voulez, à partir du moment où ces avocats ont tiré l'affaire du côté juridique, c'est là que c'est devenu vraiment dangereux pour les banques parce que un juge américain peut édicter des mesures extrêmement sévères. Par exemple, il peut dire aux banques suisses, je veux que vous me livriez des tonnes de documents. Si vous le faites pas, je vous mets une amende de 10 millions par jour, par exemple, jusqu'à ce que vous obtempériez. Et comme les banques, à ce moment-là, n'auraient pas pu obéir parce qu'elles auraient contrevenu au secret bancaire, elles auraient été dans une position intenable. Donc ça, ça a été le levier vraiment, ça et le boycott. Parce qu'il y avait aussi le contrôleur des finances de la ville de New York, Alan Evesi, qui menait à ce moment-là une campagne très virulente contre les banques suisses et qui avait décidé d'un boycott. Or, évidemment, New York, les banques suisses, c'était leur base principale aux États-Unis. Il y avait un danger immense là pour les banques suisses. Vous suiviez l'affaire de très près. Est-ce que vous aviez déjà des informations avant la signature de l'accord d'août 1998? Est-ce que vous aviez connaissance de ces tractations qui devaient être secrètes? Elles étaient secrètes, mais la partie juive était très bavarde en réalité. Et comme elle utilisait beaucoup l'opinion publique, et aussi parce que c'était aux États-Unis. Et aux États-Unis, alors, je connaissais un peu les États-Unis, mais pas aussi bien que ça. Il y a une sorte de religion de la presse et de l'information. Très vite, les barrières tombent. Ils ont l'habitude de répondre aux journalistes. Donc, ils se sont dit, bon, bah là, il faut qu'on fasse vite un accord. Et les banques aussi tenaient terriblement à faire un accord rapidement. Donc, les deux parties voulaient conclure vite. L'accord comprend le versement au Congrès juif mondial par les banques suisses $1,250 milliards. Qu'est-ce qu'il faut voir dans cette somme? Je ne crois pas que tout l'argent a été donné ou versé au Congrès juif mondial. Concernant la somme, c'est comme vous dites un deal. C'est le juge Corman qui a proposé ça. Et les deux parties étaient contents, les uns trouvaient que c'était trop, les autres pas assez, mais en même temps, les uns étaient contents qu'ils reçoivent autant, puis les autres étaient contents qu'ils doivent pas payer plus. Si on regarde quelles sommes ont été payées en amende, seulement quelques années plus tard, c'était plusieurs milliards, c'était au fond pour les banques un bon deal, il faut dire. En 1950, on disait que c'était 200 000 francs. En 1955, c'était 800 000. En 1972, on parlait de 9,5 millions. En 1996, c'était 40 millions. Donc, ça n'a jamais été fini. On aurait toujours pu continuer. Et avec la révision de la commission Volcker, qui a vraiment cherché dans toutes les banques, ben, ça a été terminé une fois pour toutes. Combien d'argent a été pris? Où c'est qu'elle est l'argent? On ne peut pas dire. Moi, je pense toujours, il y avait des gens qui ont donné cet argent à même des amis ou à des fiduciaires. Et ceux-ci attendaient 5 ans, 10 ans. On savait qu'il y avait des camps de concentration, d'extermination. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec l'argent? Ils ont attendu? Est-ce qu'ils n'ont rien fait? Ils ont donné l'argent à des organisations? Ou est-ce qu'ils l'ont pris eux-mêmes? Puis tout à coup, ces gens sont là. Il y avait même des familles qui savaient pas que d'autres membres de la famille avaient survécu. Peut-être qu'eux qui avaient pris de l'argent. Donc, c'était impossible, 50 ans après la fin de la guerre, de savoir où c'est que l'argent est allé, s'il y en avait ou s'il n'y en avait pas. Difficile de réparer une image que de garder un bon image, mais il y a plusieurs possibilités de réparer. Ce qui est très important, c'est que nous communiquons clair et net la volonté de la Suisse, de la Confédération, le Conseil fédéral, le Parlement, d'éclaircir notre histoire après la Deuxième Guerre mondiale. Quand vous dites qu'il fallait conclure un accord, est-ce qu'il n'y a pas un personnage qui s'appelle Thomas Borer qui est un petit peu en décalage avec cette perception d'un accord à tout prix? Complètement, c'est-à-dire à ce moment-là, alors là, il était en cohérence avec le Conseil fédéral, tout d'un coup le Conseil fédéral est contre l'accord. Il estime que en gagnant du temps, la crise va s'apaiser et que au fond un accord est une mauvaise chose parce que c'est une sorte de reconnaissance de culpabilité et autres. Et aussi, le Conseil fédéral s'est un peu ressaisi face à la violence des attaques juives, des organisations juives, et est un peu moins impressionné, si on veut, par cela. Donc, il n'y a plus que les banques qui sont vraiment sous pression parce qu'elles ont ces intérêts économiques aux États-Unis. Le Conseil fédéral, lui, estime qu'il n'est plus sous pression. Alors, ça, c'était peut-être une appréciation aussi un peu bizarre, mais c'est ce qu'il pense. Et alors, Borer n'arrête pas de mettre les bâtons dans les roues, de faire des déclarations qui, au fond, contredisent la stratégie des banques et du Congrès juif mondial. Et tous ces gens sont très fâchés, au fond, de l'action de Borer à ce moment-là. Ils ont l'impression que ça perturbe le processus. Thomas Borer, il comprenait les États-Unis. Il avait aussi été là-bas à l'ambassade pendant quelques temps. Il savait comment ça marche. Et dans un premier temps, il a vraiment très bien pu prendre de la pression de la Suisse parce qu'il a coopéré. Il a dit qu'on veut améliorer tout. Il ne faut pas critiquer la Suisse maintenant, mais parce que c'est pas maintenant que c'est arrivé. Mais alors, il y a eu Jean-Pascal Delamurat, Conseil fédéral, dit dans une interview, même qu'on avait dit qu'il devait pas parler, personne devait parler, il raconte tout à coup que c'est du chantage juif, c'est tellement, il peut penser ça s'il veut, moi je trouve que c'était pas du chantage, mais de dire ça politiquement, c'est incompréhensible, ça a tellement mis de pression nouveau sur la Suisse. Après, il y avait l'ambassadeur suisse à Washington qui avait parlé de guerre entre les Juifs et la Suisse, je crois. Et là aussi, nouveau, ça rebondit. Et donc là, les Suisses n'étaient vraiment pas professionnels dans leur communication. Jean-Pascal Delamurat ajoute dans une interview que ce fonds de 250 millions n'est rien d'autre qu'une rançon et du chantage. Abraham Bourg, de l'agence juive, s'étrangle de colère, menace de rompre toute négociation et exige des excuses. Pour nous, il est quasiment impossible d'envisager de rencontrer toute personne qui n'a pas fermement rejeté les propos de M. Delamurat, qui m'a traité, je vous le rappelle, de maître chanteur. Je regrette avoir blessé vos sentiments personnels et ceux d'autres personnes. Monsieur, je dois vous dire que, dans la substance, à part quelques problèmes de communication, je ne vois pas de faute du Conseil fédéral. Écoutez, ces déclarations ont perturbé quelque chose qui était la confiance qu'on était en train de construire dans notre démarche, internationalement et dans le pays. Et dans ce sens-là, c'est naturellement tout à fait regrettable. Et cela ne reflète pas ce que veut le Conseil fédéral, c'est-à-dire vraiment, et il l'a prouvé en instituant maintenant cette commission, faire la clarté, assumer des responsabilités, veiller à ce que la Suisse puisse, au fond, clore un jour, je dirais, le chapitre de ce passé. Sébastien Gay, peut-on dire que cette affaire des fonds en déshérence, c'est tout de même quelque chose qui va être l'ouverture, une sorte de prologue de la fin progressive du secret bancaire? Aujourd'hui, quand nous essayons, nous, pour Histoire Vivante, d'obtenir une parole du monde de la banque, c'est extrêmement difficile. Ça ne vous étonnera certainement pas d'ailleurs. Mais voilà, ils n'ont pas véritablement envie de se déranger pour nous en parler. Peut-être, c'est ce qu'il nous vient quand on est devant ce genre de réponse, qu'on se dit, cette chose-là a d'une certaine manière entamé le glas de la fin du secret bancaire. Est-ce que vous pourriez peut-être nous apporter votre analyse, sans doute beaucoup plus fine que la nôtre? Je dirais non, avec quelques nuances. L'affaire des fonds déshérence, comme d'autres affaires auparavant, dans la longue bataille que certains milieux américains, mais aussi d'autres États, ont mené contre le secret bancaire suisse depuis la Deuxième Guerre mondiale, avec des hauts et des bas, des offensives, des périodes de calme, de nouvelles offensives. Mais on peut dire que depuis 1943, en gros, il y a une guerre entre certains milieux dirigeants américains, des fois remontant au plus haut sommet de l'administration américaine, pour obtenir des autorités suisses la levée du secret bancaire. Ce qui les intéresse dans l'affaire, c'est absolument pas les fonds en déshérence. Absolument pas. La guerre principale, c'est des Américains, mais il y a les Français aussi. Les milieux français mènent une guerre contre le rôle de blanchisseur, blanchisseuse d'argent de la fraude fiscale, contre les milieux dirigeants suisses depuis 1901. Donc, toute cette affaire commence déjà au tout début du XXe siècle. Après la Première Guerre mondiale, les milieux dirigeants français, les milieux dirigeants belges, en partie les milieux dirigeants allemands. Après la Deuxième Guerre mondiale, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les milieux dirigeants américains et dans une moindre mesure français. Dans les décennies qui suivent, principalement les milieux dirigeants américains, mais aussi par intervalle les milieux dirigeants français, les milieux dirigeants allemands, parfois même certains milieux dirigeants espagnols. Il y a un conflit permanent pour une raison extrêmement simple. La Suisse est le principal paradis fiscal du monde depuis 1900, en gros. Ou en tout cas, au plus tard depuis 1910. Pompant donc des ressources fiscales très importantes de toute une série d'autres États. Grâce à ça, la place financière suisse est devenue une place financière complètement disproportionnée par rapport à la taille du pays. Vous avez ce pays de 40 000 km² avec quelques millions d'habitants qui, dans les années 60-70, est la troisième place financière du monde, distancée par rapport à Wall Street, ça c'est sûr, mais disons qui est suffisamment puissante pour énerver en permanence Londres. Je vous rappelle qu'en 56, c'est la fameuse expression « les gnomes de Zurich ». Le politicien qui le prononce ne le dit pas, que c'est des gentils gnomes. Il est très énervé contre les Suisses, qui dit « c'est eux qui manipulent le cours de la livre ». Donc excusez-moi, mais ce petit pays qui est en train de manipuler le cours de la deuxième place financière du monde, le problème c'est que cette place financière suisse, grâce à son rôle de pompage des ressources de l'argent de la fraude fiscale, devient complètement disproportionné par rapport à la taille du pays et commence à concurrencer, y compris les plus grandes banques américaines et anglaises. Alors le problème, c'est que tant qu'ils concurrencent, disons, les sous-fifres, tant qu'ils sont en concurrence avec l'Autriche, la Belgique, la Hollande, la Suède, l'Espagne, bon ça va. Ok, c'est les gosses... Vous tapez dessus, bon, à la limite, c'est même bien. Ok. Maintenant, quand le gosse, ça devient un adolescent bodybuildé et qui commence à jouer dans la cour des grands et qui commence à vous mettre des nions parce que dans les années 60, quand il y a les crises de faiblesse du dollar, c'est en partie les Suisses qui jouent un rôle de déstabilisation du dollar. Et donc, comme par hasard, on voit le gouvernement successif des États-Unis dans les 60 se dire, bah, est-ce qu'on ne devrait quand même pas attaquer un peu plus cette Suisse paradis fiscal? Et donc, dès ce moment-là, ils commencent à dire, on veut un traité d'entraide fiscale avec la Suisse. Et puis ensuite, ça va retomber à partir de 1975, la dévaluation du dollar et tout. Là, ça va se calmer jusqu'à fin des années 80. Mais quand cet adolescent vous met des nions terribles à partir de 1988-89, parce qu'il a acquis tellement de muscles qu'il commence à racheter des joyaux de la couronne en Angleterre, c'est-à-dire des grandes banques, les plus anciennes banques, les plus prestigieuses banques anglaises, américaines. C'est pas les banques américaines qui ont acheté l'UBS. C'est pas une banque anglaise qui a acheté le Crédit Suisse. C'est eux qui ont commencé à s'installer et puis à dire, bon, on va conquérir les États-Unis, on va conquérir l'Angleterre. Donc, pour moi, encore une fois, que le combat contre le paradis fiscal suisse durcisse à partir de la fin des années 80, en particulier avec les anglo-saxons, c'est tout à fait logique. Et je pense qu'il faut situer, même s'il y a une autonomie relative, parce qu'il y a l'histoire des fonds des errances qui est depuis 1945, qui a sa propre logique, sa propre histoire, etc. Mais vous pouvez comprendre l'importance que ça a pris, c'est-à-dire le fait que cette affaire a été ensuite relayée par les plus grands journaux économiques, puis relayée par une partie des milieux bancaires eux-mêmes, des milieux politiques anglais et américains, ça ne peut s'expliquer parce qu'il y a cette rivalité croissante de menée par la place financière suisse. De ce point de vue-là, on peut quasiment parler de cheval de Troie ou d'opportunité. L'affaire des fonds représente dans ce combat de longue durée, dans cette... Oui, probablement que ça a été une bonne opportunité, et donc les milieux bancaires et les milieux politiques qui les représentent et qui sont liés à ces milieux bancaires se sont précipités dans cette brèche qui a été refermée. Elle a été refermée par cet accord de 98, et puis après, fondamentalement... Disons, c'est pas ça qui a mis en cause le secret bancaire de manière fondamentale. C'était une remise en question idéologique, une remise en question politique, si vous voulez, culturelle, une désacralisation en partie, ou en tout cas dans toute une série d'autres États du secret bancaire suisse, mais ça n'a pas été sa remise en question du point de vue politique et économique. Ça, il faut attendre le formidable tremblement de terre de 2008-2009 pour que on voit ça. Et fondamentalement, c'est le fait que l'UBS était virtuellement en faillite et qu'elle a été sauvée, certes, par l'État suisse, mais tout autant par l'État américain, parce que les Américains ont mis le double de l'État suisse, de la Banque nationale suisse. Ils ont mis 120 milliards pour sauver UBS. Mais alors la contrepartie, ça a été... On a Birkenfeld, et maintenant Birkenfeld, tu vas causer, et tu vas nous dire tous les trucs, et maintenant on va vraiment mener l'affaire jusqu'au bout. Notre épisode était intitulé « Un accord majeur », une réalisation de Jean-Philippe Zwahlen. Demain, la suite de cette évocation avec un nouvel épisode intitulé « Jugement ». Cette série est proposée par Jean-François Berger et Jean Leclerc. Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc, en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Assistana de production, Corinne Rochat, Valérie Danton, Daniel Zacker. Réécoutez podcast sur histoirevivante.ch. La première, 14h.